le soir. Mais ton cœur en fait commence une histoire. Si tu as besoin de tendresse, y a toujours quelqu'un quelque part qui va te rendre tes caresses. Mais faut donner pour recevoir. Salut auditeurs, auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Vous nous suivez aussi sur le lien internet et sur Orange Radio. Coucou à mes amis Facebook, à nos amis Facebook. Vous êtes avec Gilles Ouelia dans les années bonheur. Nous sommes samedi 9 mars. Il est 15h. On vous accompagne avec la plus belle musique et en direct jusqu'à 16h. Bonjour le Québec, il est 9h. Une belle journée et des bisous à ma petite équipe. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne sont à l'écoute. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Mais je vais très bien avec ce soleil. Oui, c'est vrai, on a le soleil ça aujourd'hui. Ça fait du bien. Mais moi, je voulais te remercier d'être là ce samedi, c'est vrai. Avec plaisir. Journée un petit peu exceptionnelle, oui. Horaire exceptionnel, voilà. Alors, pour cette semaine québécoise et pour cette deuxième émission, j'ai le grand plaisir de recevoir par téléphone depuis le Québec une artiste, Manon Grenier. Auteur, compositeur, interprète, Manon nous parlera de son univers musical et de son tout dernier album intitulé Liberté. Super. Alors pour vos messages, c'est comme d'habitude sur nos pages Gilles Mougel, enfin Radio Gémozo et Gilles Mougel officiel. Je transmettrai en direct à notre invité, bien sûr les messages, que je retrouve maintenant. Bonjour Manon. Bonjour. Comment tu vas Manon? Ça va bien malgré le temps gris. Ah oui, c'est ça, vrai. Si c'est le temps gris, mais c'est pas grave, on a toujours le soleil dans notre cœur. Exactement, c'est le plus important maintenant, c'est vrai, hein? Oui. D'avoir le soleil dans le cœur. Alors nous ici, on a du soleil. On a du soleil, gros, ça fait du bien parce que les jours-ci, c'est un petit peu pluvieux. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Voilà, maintenant, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Et d'être voilà, en direct sur les ondes de Radio Gémozo et dans les années bonheur. Je profite pour dire un petit merci à Lynn qui nous a mis en relation pour cette émission. Elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute. Bonjour, Lynn. Voilà, les Québécoises. Ben on est très content, Manon, de te recevoir voilà, cet après-midi hein, sur nos ondes. C'est super sympa, depuis ton beau pays là-bas, le Québec. Ben je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Mais c'est avec plaisir. Puis aujourd'hui, je me suis habillée aux couleurs québécoises. Ah oui? Ah oui, j'ai mis un t-shirt québécois. La couleur québécoise, c'est quoi? Ah ben j'ai un t-shirt avec le drapeau Québec, Canada, tout ça, voilà. Ah. Il y a une petite photo qui circule sur les réseaux sociaux, sur notre page radio. Ah, OK. Voilà. OK. J'ai regardé tantôt. Oui, bien sûr. Alors, Manon, voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai qu'on a eu déjà l'occasion, pardon, de t'écouter, de t'entendre sur les ondes de Radio Gémozo avec des chansons de tes précédents albums. Oui. Là, notamment Évolution, J'ai besoin de toi, Simplement moi, voilà, ça a été diffusé déjà chez nous, voilà, dans l'émission que je fais aussi, l'émission Coup de cœur. Ben, c'est bien que vous faites tourner nos chansons là-bas, c'est vraiment gentil. Non, mais c'est avec plaisir. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes là, Manon, pour parler de ton tout dernier album, Liberté. Oui. Voilà. Cet album-là devait comporter une chanson qui avait rapport au COVID, que j'avais, comme titre, c'était « À deux mètres de distance ». Oui. Mais vu que les gens, ils parlent tellement que de ça, du COVID, puis j'espère un jour que ça va être appelé à partir. Oui, bien sûr. J'ai décidé de pas la mettre sur l'album. Mais j'ai quand même gardé le titre « Liberté ». D'accord. Et okay. Après, j'ai composé une autre chanson qui pouvait comporter ce titre-là. D'accord. Mais c'est vraiment pas un rapport au COVID. D'accord. Ben, je le disais il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des chansons rapport au COVID, hein. Oui. Parce que pendant cette période-là, bah, tout le monde était arrêté, les artistes, toutes les personnes au niveau culturel, etc., musical et tout, toutes ces personnes donc étaient à l'arrêt. Donc ils ont profité aussi pour travailler, pour composer. Oui. des chansons, hein, je pense que voilà. Est-ce que tu as fait pareil, Manon, toi? Est-ce que tu as travaillé cet album? Oui. J'ai travaillé pendant un an sur cet album-là. D'accord. Liberté, oui. Mais bon, c'est. Et oui? sur cet album-là, il y a 7 compositions et 5 interprétations. D'accord, ouais, ouais. Ouais. Alors moi, j'ai écouté tout cet album, Manon, donc c'est. Ouais, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un bel album. Non, mais c'est très sincère, sinon je dirais rien. C'est très sincère parce que c'est vrai que bon, je l'ai écouté et tout, et c'est vrai que c'est un album qui comporte plein de belles chansons, de belles musiques, hein, country, rock un peu aussi, bien sûr. Et oui, c'est, oui. Ça fait du bien à écouter, ça fait du bien à entendre. Disons que ça fait du bien aussi de sortir ce qu'on a dans le cœur de cette manière-là. Oui, bien sûr, oui. Mm-hmm. Et donc, tu es auteur-compositeur. Hein. J'ai pas dit de bêtises dans mon intro. Oui. Tu es auteur-compositeur non, et puis non, interprète, bien sûr. Non, je suis vraiment auteur-compositeur. Mm-hmm. J'ai jamais personne qui a écrit pour moi. C'est toujours moi qui ai écrit mes propres chansons. D'accord. Sauf que sur cet album-là, j'ai ajouté 5 interprétations. D'accord. Sur les autres, il y en avait un peu moins, sauf l'album Simplement Moi. Là, ça, c'était seulement qu'un album d'interprétation. D'accord. Non, mais oui. C'est très bien. On sent, je veux dire, là. Dans ces chansons, le côté, y a un côté festif aussi. Il y a des belles paroles, je veux dire, sur certaines chansons, hein, dont une chanson que tu adresses à ta sœur. Oui, petite sœur. Petite sœur, oui. Ça, cette chanson-là, c'est ma version à moi. Oui. Mais c'est une interprétation de Mario Mercier. D'accord. C'est un très bon artiste country, mais malheureusement, il est décédé depuis 10 ans déjà. D'accord, OK. Ouais, ouais. Mm-hmm. Oui, mais je l'avais adapté à ma sœur. OK. Alors, je voulais dire aussi, comme ça, je fais ma petite note d'humour. Manon, c'est un beau prénom. Tu sais pourquoi je dis ça? On n'en a pas ben des Manon. Il n'y en a pas beaucoup, des Manon? Dans les années 2000, là, c'est ça. Oui, d'accord. Je pense que ça n'existe plus. Les petites Manon, on n'en voit pas. Les vieilles Manon, on en voit. Alors moi, j'ai une petite Manon. Je lui fais des bisous parce que j'ai une petite fille qui s'appelle oui. Manon. Oh mon Dieu, c'est rare. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans. Wow. Ouais. Donc voilà, je lui fais un petit bisou. C'est votre petite fille à vous? C'est ma petite fille à moi, oui. Mm-hmm. Ah, enfin, c'est. On va lui faire un gros câlin du Québec. Ok, je lui dirai. Et puis bon, je pense qu'elle aura l'occasion d'écouter, parce que de temps en temps, les petites filles, elles écoutent un petit peu le papy à la radio. Ben oui. Ben oui. C'est hein. Oui. Mm. Voilà, alors Manon, comment vient la musique pour toi dans les débuts? Ça vient, je pense, un petit peu de la famille qui est... Oui. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à chanter, j'avais environ 5 ans, avec mon père, puis j'avais chanté à Légion canadienne. Les gens, ils pitchaient les 30 sous. Ça, c'est ma première fois là sur une scène avec mon père. Après, j'ai continué à chanter comme ça. Et j'ai fait mon premier spectacle à l'école. Oui. Au secondaire, j'avais 14 ans. D'accord, OK. Et j'ai embarqué dans un duo rock. Un band rock pendant 2 ans. Mais finalement, mes racines étaient vraiment dans le country. Dans le country, d'accord. Ouais, ouais. Je fais un peu de tout. Oui. Mais quand je compose, c'est un petit peu plus vers le country. D'accord. Parce qu'il y a quand même une chanson rock, hein, je dirais, sur ton album Liberté. Oui. Le titre, Je suis une rock and power girl. Ah oui, j'ai c'est bien aimé ça. Ouais. D'accord. On va l'écouter. Oui. Ouais, c'est bien. Et comment ça a démarré vraiment, je dirais, professionnellement, la chanson, la composition, solo, en 2001. 2001. J'ai été longtemps 17 ans dans le même groupe Country Rider, ensuite 5 ans avec Wyoming, et après, j'ai décidé de partir solo, en 2001, et j'ai fait mon premier album. D'accord, ok. Le titre était « Il était pour toi ». D'accord. On rappelle que tu as... J'ai démarré là. Oui. Mais c'est très long. Bien sûr. Surtout, on peut pas vivre vraiment juste de ça. Oui. Pendant des années, on peut pas vivre juste de ça. Il faut travailler. Il faut travailler aussi si à côté. On veut faire des albums. Oui, bien sûr. Oui. Bah, tu sais, chez nous aussi, c'est pareil. Enfin, bon, voilà, je pense que c'est partout. Hein. C'est pareil. On a des artistes aussi, ben, qui travaillent. Hein. Et puis, bon, voilà, qui ont leur le deuxième métier, donc la chanson. Hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile de nos jours. Hein, de percer dans ce domaine-là. Non, surtout avec le COVID, oui. Une chance qu'on avait un travail parce que... Oui, c'est sûr. On aurait fait pitié, je pense. Bien sûr. Il y en a beaucoup d'artistes qui n'avaient pas de deuxième travail, puis c'était pas drôle pour eux autres. Là. C'est vrai. Ouais. Manon, je te propose qu'on écoute une première chanson. D'accord. Alors donc, c'est le titre Liberté, hein, le titre qui donne le nom à ton nouvel album. Oui. Donc, on écoute Liberté. Merci. D'accord. Les âmes sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. L'amour, c'est aussi être celui qui pardonne la faute, celui qui vous aime. Vouloir vous changer, qui n'aura pas peur de blesser en disant la vérité, la liberté que l'on prend d'être aimé tel que l'on est. L'amour, la vraie liberté, la plus belle façon de choisir avec qui le partager. Les âmes sont pas faits pour être libre ensemble, l'amour, la vraie liberté. Avec qui le partager? Les âmes ne sont pas faits pour s'appartenir, mais ils sont faits pour être libres ensemble. L'amour, la vraie liberté. Voilà, premier titre Liberté, Manon, qu'on vient d'écouter. Oui. De cet album là, voilà. Donc Lynn me dit que c'est une très belle chanson et je dis aussi que c'est une très belle chanson. Voilà. Mais merci. C'est plaisir. Puis bon, je voulais te remercier aussi bien sûr de d'être avec nous cet après-midi, je l'ai déjà dit ça, mais aussi pour l'exclusivité de cet album, je dirais sur notre radio et puis en France. Ben ça fait plaisir, mais moi aussi j'aimerais ça dire bonjour à tous les Français de France. Et j'ai pas sûr. La chance de le dire, donc je leur dis un gros bonjour ce matin. D'accord, ben merci. Maintenant c'est passé, c'est passé. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà. Alors dans ta carrière, je dirais, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré pour la chanson, oui. La musique, voilà. Oui. Oui. Côté français. J'aimais beaucoup Julie Darèche, René Martel, dont j'ai repris une de ses chansons, Cargirl Dorée, sur cet album-là, Liberté. Ah oui, oui. Et Paul Darèche, Patrick Normand, Chantal Masse. Parce que sur le titre... Côté américain, j'aimais beaucoup Patti Klein, Loretta Lynn. Ouais. D'accord. Ça vient pas mal de là, mes inspirations quand j'étais jeune. D'accord, ok. Et je veux dire, sur la chanson Cowgirl Doré, moi, il m'a semblé reconnaître une chanson d'une artiste française, Michèle Thor. Oui. Hein, c'est ça? Attends un petit peu. Oui, Michèle Thor, mais René Martel a repris cette chanson-là. Elle a repris, oui, d'accord, ouais. Oui, elle a repris cette chanson-là. Et par chez nous, au Québec, c'est surtout René Martel. Bien sûr, oui. Qui l'a popularisé. Côté d'accord. Français. Parce qu'avant, elle existait en anglais aussi, là. C'était Glen Campbell, okay, avec Rhinestone Cowboy. D'accord, moi je la connaissais donc par Michèle Thor, mais c'est vrai que c'est une chanson déjà de 1900, des années 70, je crois. En fait, le titre, c'est « Je m'appelle Michel », donc c'est cette chanson de Michèle Thor, voilà. Et c'est, je crois que c'est dans les années 70, donc c'est beaucoup plus ancien, on va dire. Oui. Plus loin. Oui. D'accord. Alors... oui, des artistes, on en a parlé, voilà. Alors, quand je pense que tu vas en parler tout à l'heure, parce qu'il y aura le lancement de l'album, hein, Liberté. Oui. Ou si tu veux en parler, que tu vas faire le 30 avril, hein, c'est bien ça? Oui, le 30 avril au Best Western, ici à Drummondville. Oui. Oui. D'accord. Et cette soirée-là, je vais avoir plein d'artistes aussi, dont Carole Renaud, Alex et Junior Meunier, Sonia Champagne, oui, Chantal Gris, Maryse Bernier, Geneviève Grenier, le duo Casbeck, Mandy et Beau McDaniel. D'accord. Et j'ai aussi mon fils Yann Chrétien qui va chanter avec moi une chanson dans mon spectacle. D'accord. Donc tu partages aussi... On va le voir de plus en plus, mon plus fils. Ton fils, d'accord. Mon plus grand garçon. C'est le plus grand. Ben c'est bien, il suit... Oui, le plus vieux. Il suit les... C'est vrai qu'il est grand. Il a moi, je suis très petite, c'est mais vrai? Lui, il est très grand. Je peux demander, il a quel âge, ton fils, Manon? Le plus 31 grand? 31 ans. 31 ans? Oui. Ah ouais, ok, d'accord. Oui. Ouais, ok, c'est bien. Donc, le fils suit un petit peu les traces de la maman? Oui. Avant, il chantait plus style rush metal. Oui. Mais là, ah oui, moi, d'accord. J'avais toujours dit, tu vas voir, à un moment donné, tes racines, ils sont dans le country, hein. Ah, bah, bien sûr. Par y aller. J'avais raison. Ah, bah, d'accord. C'est bien comme ça. Puis bon, voilà, c'est ce que je voulais te demander aussi, ma petite question. C'est, oui, tu partages bien sûr la scène avec d'autres artistes, d'autres artistes que tu connais. Ah, oui. Mais par ici, j'en connais beaucoup, des artistes, là. Ça fait tellement d'années que je chante, là, on se connaît pas mal toutes. Bien sûr. Alors, je sais pas si tu as vu, mais tu sais que jeudi, j'avais reçu Daniel Dan. Oui, je le connais très bien, Daniel. Tu connais bien Daniel, d'accord, ouais. Oui. Voilà, tu vois, c'était une semaine... Un bon monsieur. C'était une semaine, c'est une semaine québécoise. Québécoise, oui. Voilà, hein, donc avec vous deux, non, mais ça fait vraiment plaisir, ça change. Ça change, ça fait plaisir. Ben oui. Ouais, oui. Alors, voilà, Manon, est-ce qu'on écoute, avant de revenir un petit peu sur ta carrière, est-ce qu'on écoute une deuxième chanson? Oui, est-ce que vous avez déjà choisi ou... Ah oui, moi j'ai fait mon petit choix. Ah, ok. Ouais. Non mais j'ai à peu près suivi l'ordre, mais j'ai fait mon petit choix. Je fais toujours comme ça quand je reçois les artistes. Alors des fois je les surprends un petit peu, des fois ils sont contents, des fois je ne sais pas, après ils me le disent pas. Mais je fais toujours mon petit choix, mais je pense que ça va aller. D'accord. Donc pour cette deuxième chanson, j'ai choisi Je suis une rockin' call girl. Là, si on part sur un... Oui, je m'excuse pour mon accent anglais. Oh non, c'est correct. C'est correct, hein? Merci, c'est gentil. C'est mon histoire à moi, je suis une rock'n'roll girl, parce que je parle d'une femme qui semble fragile. Oui. Mais dans le fond, c'est une rough and tough, puis elle est forte quand même. Même si elle a l'air fragile, elle s'en sort tout le temps. D'accord. Alors là, on part pour un rock, Manon, hein, c'est vrai? Oui. Hein, c'est bien, ça. Ça bouge. Donc, on écoute. Merci. J'ai le cœur doux, j'ai pas le cœur dur. J'ai la patience d'une femme avec une touche de tendresse. J'ai l'air fragile, mais je suis fort. Je suis une rock. Je suis une rock. Carlos. J'ai sur le cœur des gros plasters, comme si j'avais une grosse blessure qui m'aurait. Ah non, ça déménage, ça, c'est bien. Oui. Ah oui, c'est bien, j'aime bien, moi, là. Le rock, c'est bien aussi. On essayait, alors, je voulais te dire que je voulais te dire que je suis donc avec ma collègue Lia. Lia qui est à Lia. Qui est à la régie son. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, ouais, ça déménage, j'aime bien, ouais, c'est ce que je disais sur cet album, c'est quand même assez varié, quoi. On a des chansons un petit peu plus tendres, des chansons qui bougent, voilà, du country et tout. C'est ça qui est bien. On s'ennuie pas quand on écoute cet album. C'est vrai? Ah, oh, ben, merci. Non, il va avoir un clip vidéo qui va sortir bientôt sur cette chanson-là. D'accord, OK. Il y a déjà deux clips vidéo qui sont sortis. Oui. De cet album-là. Ouais. Dont Quand la vie nous fait mal et Cracker Jack. Ah oui, d'accord. Mais j'ai il va s'en venir. Ouais. Je suis une rock and car girl en clip vidéo. Ah oui, ça c'est bien, ça. C'est vrai que. Alors, Manon, tu as 9 albums à ton actif, hein. Si je me trompe pas, c'est bien 10. Ça. J'en ai 10 parce que dans le fond. Ah pardon. Oui. En 2011, j'avais sorti l'album Sortir de l'ombre. Oui. Et on trouvait qu'il y avait le son n'était pas aussi bon qu'on aurait aimé. Oui, d'accord. Donc je l'ai fait remixer en 2019. Ce qui d'accord. fait que ça me donne un album de plus parce que c'est Sortir de l'ombre remix. D'accord, OK. Donc, ouais. Ma question, c'était, alors, sur ces, donc, 10 albums. Donc, il y a cet album-là, Liberté. Est-ce que ça serait un album, alors, tu me dis si je me trompe, hein. Je peux me tromper. Est-ce que ce serait un album qui serait peut-être un peu le plus abouti de ta carrière ou? Je pense que oui. Oui, hein. Mais j'ai beaucoup d'autres bons albums. J'ai travaillé avec de très bons studios. Oui, bien sûr. C'est juste que j'ai voulu changer un peu des choses. Oui. Me mettre plus ressortir ce que moi je ressentais en dedans. D'accord, oui. Oui. Mais c'est bien, c'est vrai que moi, je pense que ça va faire un grand succès, hein. Je pense que si on recule il y a des années. Oui. Souvent un auteur-compositeur va composer des choses aussi qu'il vit ou qu'il a vu à l'entour de lui. Oui, d'accord. Parfois c'est pas toujours beau. C'est vrai. Et peut-être que dans ces années-là, ma vie était peut-être moins... pas qu'elle était moins belle, mais peut-être mon intérieur à moi n'était pas évolué autant qu'aujourd'hui. D'accord, oui, je comprends bien. Okay. En tant que personne. D'accord, OK. Donc, ce qui ferait que... fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être changé un peu ma plume. D'accord, c'est très bien. Mm. Ah, oui. J'avais une autre question, Manon. Oui. Oui, donc on parlait voilà d'albums, de compositions, etc. Est-ce que tu... Ça, c'était une question que j'avais posée aussi jeudi. Non, c'était... Est-ce que tu aimerais faire un duo avec un artiste ou une artiste? Ah, oh, bien sûr. Oui. Ou avec moi? Pardon? Ou avec moi? Avec vous? Ah, oui. Ben oui, ça serait, c'est sûr. Mais vous êtes loin. Ben oui, je sais. Mais tu peux me dire tu, hein. Non, mais. Ouais, c'est... Oui, vas-y, je te laisse parler. C'est une habitude parce que je travaille aussi dans le public. Oui. On est habitué, il faut toujours dire vous, sinon. On... Ah oui, d'accord. Mais tu sais, ici. Donc, des fois, je vais dire tu, d'autres fois, je vais dire vous. Et tu sais, à Radio Guémozo, dans les années bonheur, alors, je vais prendre une expression de chez vous, hein. Il n'y a pas chicane. Non, non mais c'est cool. Il n'y a pas de chicane dans ma cabane. Non, oui. Ou ma cabane au Canada. Oui. Hein, ma cabane au Canada. Bah, je sais pas si tu connaissais ce titre. Enfin, je pense que tu connais ce titre qui est chanté par une de nos artistes françaises, Lynn Renaud. Oui. Hein, ma oui, cabane au Canada, voilà. Oui. Alors, moi, je sais, Manon, c'est qu'on pourrait faire tous les deux un duo. Ben oui, ça serait le fun. On l'écoutera tout à l'heure. C'était sur Salut les amoureux de Joe Dassin. Enfin, que Joe Dassin avait reprise. D'accord. Allez, je ferai un petit bout avec toi tout à l'heure, d'accord? Ça marche? Ben, oui. Non, je veux pas gâcher la chanson. Non, mais j'ai un petit peu poussé la chansonnette aussi, moi, voilà. Mais revenons à toi. C'est pas à moi. Oui. Donc, je parlais de duo, oui, c'est... Ça te plairait de faire un duo avec un artiste ou une artiste, bien sûr, donc sur un prochain album. J'en ai déjà fait, je sais pas si vous connaissez Robert Leroux. Ça me parle pas comme ça, non. Bon, ben ici au Québec, c'est quand même un grand artiste. C'est sûr qu'il a arrêté, mais pendant des années, il a chanté, il faisait beaucoup de spectacles. D'accord, ouais. Et sur un de mes albums, l'album J'ai besoin de toi, la chanson Nous étions si bien ensemble, c'est Monsieur Robert Leroux qui chantait avec moi. D'accord. Sur cette chanson-là. D'accord, ouais. Oui. Je connais pas mal d'artistes du Québec. Après bon Lynn qui est mon amie qui m'en a fait découvrir aussi pas mal hein d'artistes oui, tu vois oui bien sûr voilà maintenant on commence à avoir une bonne culture de par chez vous. Oui. Hein comme des j'avais la chance de faire un duo oui. Ici au Québec. Oui. Avec un artiste du Québec mon choix serait probablement Paul Daraich. D'accord. Ben oui. Ah oui, ok. Oui. J'ai eu l'occasion de des grands artistes. Oui, j'ai eu l'occasion de visionner quelques chansons de Paul Daraich que je connais maintenant de par Lynn, quoi. Voilà. Alors on va écouter une troisième chanson. Celle-là, j'aime bien aussi. Hein. C'est pour ça que je te disais dans cet album, il y a plein de belles choses. Ça bouge. J'aime bien. Alors là, on va écouter, si tu veux bien, Manon. Chalalala. Nous, on aime la musique. Oui. Ah, c'est bien. Ça bouge aussi. On écoute et puis on en reparle après. D'accord. Merci. Cette belle chanson revient toujours et ne change que son refrain. Et la musique s'installe dans nos cœurs pour redonner des airs de joie, de bonheur. Oh, oh, cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, nous on aime la musique. Cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, nous on aime chanter. Oh, oh, nous on aime la musique. Cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, nous on aime la musique. chercher le chagrin qui vous dévore pour vous faire rêver l'instant, le moment. Oh, oh, cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la, nous on aime la musique. Cha-la-la-la-la, cha-la-la-la-la, nous on aime chanter. Oui, voilà. Très belle chanson aussi encore, Manon, là. Allons, ça... merci, c'est une, oui. C'est une chanson que j'ai faite un peu pour aller chercher le chagrin. C'est le chagrin qu'on a dans le cœur. Oui. Des fois, la musique, ça nous aide. Hein? D'accord, ouais, mais... Donc, l'instant du moment qu'on écoute une chanson... Mais oui. On pense pas à nos soucis. C'est vrai. La musique est une bonne thérapie, oui. Hein, pour quand on a des problèmes, plus ou moins. C'est vrai que c'est important. Ça fait du bien d'écouter de la musique. Oui, ça l'aide beaucoup, je trouve. Et cette chanson-là, moi, ça me rappelle un petit peu les années 60. Tu sais, un petit peu oui. Style yéyé. Oui, c'est un petit peu ça que je suis allée chercher dans cette chanson-là. J'ai bien écouté, hein. Mais oui. Oui. C'est bien. Les musiciens, quand je leur ai apporté ça. La première fois qu'ils l'ont entendu, on dit « Mon Dieu, on dirait les boîtes à gogo. » Ouais, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. J'ai pas pensé quand je l'ai composé et quand j'ai trouvé l'air, j'ai pas pensé à ça. Puis après ça, j'ai dit « Ah, c'est vrai, Colin, on pourrait mettre la musique semblable à ces années-là. » Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai, quand j'ai écouté, moi, je me dis « Oh là, c'est bien, là. » C'est bien. Alors... Manon, je veux dire l'album physique, donc Liberté, il est pas sorti encore physiquement, si je veux dire. Oui, il est sorti. Il est sorti, d'accord. Pour l'instant, les gens qui veulent l'avoir, ils peuvent aller sur mon site internet au www.manongrenier.com. D'accord. Il est aussi sur les plateformes numériques, Tonica, Spotify. Oui. En tout cas, il y en a plusieurs tellement là. Bien sûr. Les gens peuvent aller l'acheter aussi là. Oui. Et bientôt, je vais probablement le distribuer chez les Archambault. Oui. C'est juste qu'on n'a pas eu le temps encore de tout faire, tout ça. Je l'ai en CD. Oui. Et je l'ai aussi en numérique sur clé. Ah, ça, c'est très bien, ça. Maintenant, il y a beaucoup d'autos là, qui n'ont plus de disques. Pas de disques, mais de radio avec CD. Il y a beaucoup d'artistes qui font maintenant qui font le CD, qui font la clé USB. C'est vrai que dans nos autos, enfin, on va dire maintenant dans nos autos, on n'a plus de lecteur de CD. Ouais. On n'est pas encore rendu seulement que des clés. Faut faire les deux. Mais moi, je dis que peut-être dans 17-18 ans, ça va probablement être juste des clés. Oui, je pense aussi. C'est vrai que de plus en plus le font, hein. Oui. Oui. Oui, parce que dans les voitures, voilà, c'était tout passé par, par le, comment je veux dire, le téléphone en Bluetooth, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle idée, ça. C'est bien. Alors, tu l'as dit, hein, pour se procurer ton album, voilà. Tous ceux qui t'écoutent depuis le Québec, voilà, ils ont l'information. Mais si en France. Gens, par contre, qui sont pas capables d'aller sur des sites internet, puis savent pas comment ça fonctionne. C'est vrai. Ils peuvent aussi m'écrire sur Facebook en privé, le Messenger. Oui. Puis là, moi, je peux m'arranger avec eux là. D'accord. Parce que j'accepte aussi les chèques ou les mandats poste. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont pas capables avec la technologie. Oui, c'est vrai, oui. Donc, pour les aider. Toutes les personnes ne connaissent pas trop comment ça fonctionne, etc. Donc, c'est vrai que tout à fait. Voilà, l'info est passée, Manon. Donc, pour tous les Québécois, pour tous ceux qui te suivent, et puis chez nous en France aussi, hein, puisque nous sommes en direct. Nous sommes en direct, donc. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'émission sera rediffusée. Je regarde l'IA, vu qu'on a un petit décalage là, par rapport à d'habitude. Donc, ça sera plus pour la semaine prochaine, je pense, l'IA. Hein, c'est ça. Hein, mais, pardon, le podcast, ce qu'on fait actuellement est enregistré. Et le podcast sera repartagé sur nos pages, donc sur Radio Guémozo et sur ma page Gilles Mougel officielle. Donc, peut-être pas demain, mais dès lundi, moi je la partagerai donc sur les pages et tu pourras la repartager sur ton mur si tu veux pour les gens qui n'ont pas été à l'écoute ce matin chez vous et puis cet après-midi donc chez nous en France. Rediffusé du coup mercredi prochain à 15h. Voilà. Rediffusé mercredi à 15h. Mercredi prochain. Okay. Alors là, ça sera bien sûr sur la bande FM. Oui. Hein, donc là, je pense que tu pourras pas écouter, mais voilà, c'est pour ça que je voulais préciser, le podcast, il sera en ligne, et tu pourras le repartager avec tous les amis, tous les gens qui te suivent. Oui, c'est certain que je vais le partager. Oui. Bien sûr. Voilà. Alors, on va écouter une autre chanson, Manon. Alors, tout à l'heure. Essayer de deviner c'est laquelle. Alors, est-ce que j'ai fait un bon choix jusqu'à présent? Enfin, je veux pas, hein. Je dis ça. Elle est drôle ou elle est triste? Ah ben non, enfin je... en fait, je vais te dire que c'est Call Girl Dory. Ah, ok. Oui? C'est bien. Ça va? oui, ça va. Je voulais essayer de la deviner, mais je ne l'aurais pas deviné. Ah oui, alors peut-être les deux prochaines. D'accord, on écoute alors Call Girl Dory. Oui. Merci. Sur les trottoirs longtemps, du matin au soir en chantant. Je connais toutes les craques du ciment au sale de la rue Saint-Laurent. Dans ce jeu des bons et des méchants, tous les passants perdus ou perdants sont balayés par le vent. La vache enragée, j'en en attendant mon apogée, mais je peux m'en aller où les lumières me feront briller comme une cowgirl dorée, à cheval au galop dans un rodéo fleur d'Élysée, comme une cowgirl dorée, inondée dans un train qui prend le plus long chemin. Et je me demande ce que je pourrais bien faire avec un vieux transfer et mon dernier dollar dans ma guépière. La vache enragée, j'en aurais mangé en attendant mon apogée, mais je peux Manon Grenier, cet après-midi, sur les ondes de Radio Guémozo et dans les années bonheur. On retrouve Manon, voilà, on vient d'écouter Call Girl Doré, Manon. Oui. Ouais. C'est une de mes chansons favorites que René Martel chantait quand j'étais jeune. Ah, d'accord. Donc j'ai fait un bon choix encore là. Oui, ben oui. Mais toutes les chansons ça sont belles. Ça nous a fait tellement de peine quand elle est partie. Oui, bien sûr, ouais. Oui. Je pensais à une autre artiste québécoise. Je cherche le nom. Ah mince, ça me reviendra. J'en parlerai tout à l'heure parce que c'était une belle chanteuse aussi qui a disparu aussi. Ça fait quelque temps, mais je retrouve plus le nom. Mais ça fait rien. On va continuer. Lia, peut-être tu avais une question pour moi. Non, je te prends. Au début, pardon. Pourquoi pas aller si vous pouviez faire n'importe quelle scène du monde entier, ça serait laquelle? En France. En France? Ah ben c'est bien. Ben oui. Où ça alors? Où ça en France, à l'Olympia par exemple? Ben oui, hey. Ah oui. C'est un rêve ça. C'est une belle salle. Hein. Oui. Et puis comme oui. ça on aura l'occasion de se voir maintenant. Oui. On n'est pas tout près de Paris. Parfois les rêves se réalisent. Eh oui, c'est vrai. On continue d'espérer, de garder l'espoir. Bien sûr, bien sûr. Alors Lia parlait de scène. Alors je pense que tu te produis avec des musiciens quand tu es en concert. Oui. Oui. Pas toujours, mais souvent. Le plus souvent possible, ça va être avec des musiciens. D'accord, ok. Ouais. Comme là, à mon lancement d'album, là, il va y avoir 6 musiciens. D'accord. C'est bien ça. Ouais. C'est dommage qu'on est loin. Ah, oui. Autrement, on serait venu. Mais on est loin. J'ai un vidéaste qui travaille pour moi, les créations Jo-Yvon Théberge. Ah, probablement, oui. Vous les connaissez. Si oui, oui, bien sûr. Oui. Oui, on se parle de temps en temps. Mon lancement va être filmé. Il va y avoir quelques vidéos par après qui vont être sur Internet. D'accord. Okay. Probablement pas toutes parce que faut faire attention quand même. Là. Oui, c'est sûr. Mais vous allez pouvoir voir un peu de mon spectacle. D'accord. Ben c'est super. On va regarder ça, Manon. C'est le 30 avril hein, que c'est le lancement oui. de l'album. Oh, mais voilà. Ça sera pas cette journée-là, là, mais par après, là, d'accord. On va pouvoir les distribuer. Ouais, ok, d'accord. C'est super, oui. Ça, c'est bien, comme ça on pourra te voir. Ben oui. Alors j'ai Lynn qui est à l'écoute, tu sais. Donc elle a une petite oui. question, Lynn. Oui. Elle demandait à quel âge tu as commencé à écrire et composer. Oh mon Dieu, j'étais jeune, je pense que j'avais peut-être 15 ans. D'accord, oui. Ouais, environ. Mais dans ce temps-là, je faisais pas d'album. Oui. Mm-hmm. Mais j'avais quand même une petite boîte que je mettais toutes mes chansons dedans. D'accord, oui. J'ai encore une boîte aujourd'hui. Oui. De toutes même des petits bouts de phrases, je les mets toutes dedans. D'accord. Oui. C'est comme ça que je compose, moi. Je peux être un petit peu n'importe où, puis hop, il y a une idée dans la tête, je l'écris sur un bout de papier, j'arrive oui, chez moi. Oui, bien sûr. Hello. D'accord, d'accord. Est-ce que de tes compositions que tu as fait, donc, tu avais 15 ans, hein, tu disais, donc, est-ce qu'il y en a il y en a quelques-unes que tu as seulement qu'une. Chanter, oui. Qui s'appelle Il était pour toi. D'accord. Mm. Ouais. C'est bien. Elle se retrouve sur l'album J'ai besoin de toi. D'accord. Ok. Et oui, quand tu composes donc. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma tête. Oui. Oui. Ah, c'est bien. Alors, on écoute la chanson suivante. Ça, c'est vrai qu'il est 15h45. Bon, ça va, on a encore 15 minutes ensemble. Mais ça passe toujours vite. Alors, c'est pour ça, faut qu'on écoute maximum. Oui. Bon, bien sûr, on pourra pas oui. tout écouter, hein. Mais là. Mais non, c'est sûr. Alors, maintenant. Parle et tout, bah oui, il faut. Il faut qu'on parle quand même. Alors, maintenant, est-ce que tu vas deviner la, c'est donc la cinquième qu'on diffuse okay. que la... Ouais, Cracker Jack? Non. Non. Non. C'est une compo ou une interprétation? Alors, écoute, là, je sais pas de trop parce que, donc, bien sûr, j'avais reçu les fichiers que tu nous avais envoyés. Bien sûr. Donc, mais là, je sais pas, je pourrais pas dire, je voudrais pas dire de bêtises non plus. Ok. Alors, ça parle de chansons. Ça parle de chansons. Ah, oh, la chanson de toutes les chansons, c'est yeah. une de mes compositions. Voilà. Voilà. C'est bien? Oui. C'est l'histoire, dans le fond, de la musique country, côté québécois. Parce que c'est toutes des types de chansons que j'ai mélangées ensemble pour en faire une chanson. D'accord. OK. Oui. C'est bien. Alors, on écoute la chanson de toutes les chansons. Quand country que l'on chante à l'unisson. Cette mélodie que l'on yodel dans le salon. Entraînante encore cette chanson, Manon. Ah non, c'est vrai que c'est bien. Puis alors, je veux dire, bah, je te l'ai pas dit encore, mais tu as une belle voix, alors que ça soit sur cette chanson, sur les autres chansons. Un gros merci. Non, ça fait du bien d'entendre ça. Mais c'est vrai, c'est non, mais je le dis, c'est sincère, parce que bon, c'est vrai que nous, on aime bien les belles voix. Voilà, puis on a un petit peu l'habitude, je dirais. On a l'oreille musicale. Non, mais c'est vrai, oui, c'est sincère, hein, comme je dis. Mais c'est un métier qui est tellement dur. Bien sûr. Que quand un artiste se fait dire qu'il a une belle voix ou un musicien se fait dire qu'il joue bien. Oui. Ça fait du bien dans le cœur. Bien sûr, ouais. Alors, j'ai une autre petite question de Lynn, qui fait partie de notre petite équipe, tu sais. Alors, Lynn demande, quelle est ta chanson dont tu es le plus fière d'avoir composé sur ton dernier album? Dont je suis la plus fière? Oui, c'est ça, oui. Je dirais, j'en arrête deux, admettons. Comme je suis une rock and car girl. D'accord. Parce que c'est vraiment moi. Oui. Mais je dirais quand la vie nous fait mal. Ah oui, oui, c'est une belle chanson aussi, là, déjà un petit peu plus... Oui, donc... Parce que cette chanson-là, ça l'explique une personne qui est triste ou qui a un mal de vivre. Oui. Que dans le fond, il vient d'abandonner. Il se retrouve avant de tomber. D'accord, oui. Oui, je l'ai bien... Ça, je crois qu'il y a bien des gens ne le font pas. Pour quelle raison? Je pense que, tu sais, on est tous... Ben, pas toutes, mais il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux puis qu'ils vont travailler fort toute leur vie. Puis oui. Même s'ils n'en peuvent plus, ils prendront pas le temps de se reposer. Oui, oui, bien sûr, de s'arrêter. Parfois, ils vont abandonner avant de se reposer. D'accord, oui. Oui. J'ai écouté, c'est une très belle chanson. Bon, j'ai pas mis sur ma playlist, mais de toute façon, de toute façon, je veux dire, bon, les chansons, enfin, lors de nos prochains émissions coup de cœur, bien sûr. Oui. Donc ça sera, on rediffusera les chansons. Puis bon, j'en prendrai d'autres, bien sûr, pour changer un petit peu, tu vois. Puis comme ça, tout le monde pourra connaître un petit peu l'ensemble de ton album, Manon. De l'album. Voilà. Oui. Donc voilà, je pense on a fait un petit peu le tour. Je sais pas, est-ce que tu voulais, on a fait un petit peu le tour, voilà, tout ça de ta carrière, voilà. De est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou que j'aurais peut-être oublié, je ne sais pas. Sur non, je crois non. pas que vous avez oublié quelque chose. Non. Ouais, c'est non. D'accord, ouais. Je peux. Non. Si tu veux rappeler quelque chose, je sais pas. Ben c'est certain que les gens du Québec, si. Oui. Il écoute la station, je veux dire l'émission. Oui. De ne pas oublier le lancement d'album qui est le 30 avril au Best Western à Drummondville. D'accord. Et s'il y a des gens qui veulent acheter des billets, peuvent aller aussi sur mon site internet au www.manongrenier.com. Et vous pouvez aussi m'écrire en privé. regarder sur les affiches. Il y a deux numéros de téléphone. Vous pouvez appeler là aussi. 819-474-8688 pour les billets. D'accord. Et il y en a encore. Ce sont 25$ en pré-vente et 30 la journée même à l'entrée. D'accord. Bah, écoute, nous, on va venir avec l'IA. c'est bien maintenant. Non, mais c'est ma petite note d'humour. Je suis un peu comme ça. J'ai bien amené un petit peu d'humour dans l'émission. Là, j'espère que. Ben, c'est correct. Mais c'est vrai qu'on. C'est comme moi. Oui. Oui. Moi, j'ai pas. Je pense que j'ai pas aucun album où il n'y a pas une chanson qui est drôle un peu. Oui, c'est donc, bien. Donc, celle-là, Cracker Jack. Et oui, j'avais vu le Cracker clip. Cracker Jack, c'est. Vas-y. Dans le fond, c'est une chanson. Qui a rapport à mon enfance, parce que tu sais, quand les années 70, nos parents, ils nous faisaient croire des affaires. Ils nous faisaient croire qu'il y avait vraiment un bonhomme 7 heures qui venait nous dire d'aller se coucher de bonne heure. Ah oui, oui. Hein? Il y avait la fée des dents. Quand on perdait nos dents, hein, il fallait mettre une dent autour de notre oreiller. Ah oui, nous c'est pareil, oui. Pour avoir de l'argent. Oui, oui. Le crapaud qui change en prince charmant, ça allait jusqu'à la fameuse boîte de Cracker Jack. Hein. D'accord. Qui a pas connu ça? Oui, c'est ça. Dans ces années-là, on fouillait tout dans le fond de la boîte pour essayer de trouver c'était quoi la surprise. Bien sûr. Des fois, on était déçus, d'autres fois, on était contents. Ben nous, tu sais, on avait... Il y a plein de choses. Oui, c'est bien. On avait nounours, nous, on avait un petit, quand on était petit, on avait un petit feuilleton qui passait à la télé. C'est pareil, c'était les années, fin 60, début 70. Et c'était nounours, qui était avec Nicolas Pimprenel, qui venait, comment on disait, il jetait des étoiles. Et comme ça, puis c'était pour dire aux jeunes enfants d'aller au lit, qu'il était l'heure d'aller se coucher. Ah oui. Oui, oui. Voilà, souvenir, souvenir. Mais ça devait faire moins peur que le bonhomme 7 heures, là, quand même. Oui, oui. Oui, c'est sûr. Parce que nous, en fait, on s'imagine des choses, hein. Donc, moi, quand j'étais jeune, je m'imaginais qu'il était pas trop, trop joli, le bonhomme 7 heures. Et d'accord. Puis, vous allez voir sur le clip vidéo qu'on a fait de cette chanson-là, vous allez le voir brièvement au début de la... clip vidéo. D'accord. On montre pas le visage, mais on montre les cheveux longs. Il a l'air un petit peu... il a l'air off, le bonhomme. Et il monte à la jeune fille. « Hey, regarde, là, c'est le temps d'aller te coucher, là. » Bien la sûr. La petite fille, elle a peur. Mais tu sais, c'est un vidéo qui est drôle. Oui, j'ai eu l'occasion de la regarder, la vidéo, Manon. Oui, c'est sympa. Alors, si tu veux bien... Bon, voilà, il est 15h55. Alors donc... 9h55 de chez vous, hein, au Québec. Oui. Donc on va se quitter tout doucement, mais on va terminer par une autre chanson. Alors, est-ce que tu sais, enfin j'en ai parlé, est-ce que tu sais deviner quelle chanson j'ai pris pour terminer? Oui, Salut les amoureux. Ah, c'est très bien. Ah bon. Donc quand on écoute Salut les amoureux, puis on se dit au revoir après. Oui, oui. D'accord, merci. Place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait. Et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire. Mais on a... passer l'âge, on n'y croirait plus. Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre est de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laissez ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Salut les amoureux. Voilà, maintenant on a écouté Salut les amoureux, une très belle reprise, hein. C'est super. Voilà. Je me suis... Fois, je me suis permis. Non, j'adore cette chanson-là de, bon, j'ai connu moi de Joe Dassin, bien sûr. Et oui, c'est vrai, oui, j'adore cette chanson-là et je me suis permis de t'accompagner un tout petit bout sur la fin. J'espère que j'aurai pas, que ça vous a été. Vous pourriez la faire un jour. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me proposais tout à l'heure pour un duo. Ben oui, on sait jamais. On sait jamais. Hein. La vie m'apporte en France un jour. Oui, oui, ça oui. Très bien. Voilà, maintenant, ben, l'émission se termine. Alors, encore un grand merci, voilà, d'avoir été avec nous cet après-midi. Donc, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à toute l'équipe, tous les animateurs, animatrices. D'accord. Et merci au public. Parce que c'est aussi grâce à eux que qu'on chante, parce que bien sûr, s'ils seraient pas là, on serait pas là non plus. Bien sûr. Ni les radios, s'ils seraient pas là, on serait pas là. C'est vrai. Mais ça nous a fait plaisir, donc voilà, de partager ce moment-là avec toi, Manon. C'est un beau voyage musical de par ton pays. Et puis je voulais te dire merci pour ton sourire à l'antenne. Merci beaucoup. À très bientôt. Et, prenez soin de vous autres. Merci, Manon. Bientôt. Voilà, on reste en contact. À bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt, au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine pour cette deuxième émission, voilà, spéciale Québec. Passez un bon week-end. Mais oui, un bon samedi, week-end. Hein, mais oui. Passez un bon week-end. Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je vais pas dire parce que je veux pas gâcher le... Portez-vous bien. Bye bye à tous et à bientôt. À bientôt. Sors par la fenêtre, va danser le soir.